sur les étoiles, dans un ciel obscur bleu marine. Quand soudain éclata le scandale, lorsqu'il se mit à pleuvoir de la cyprine, le peuple alla quérir le roi, qui affligé s'exclama: que cette fontaine qu'on culbute, j'ordonne qu'on les exécute. Mais elles sont où ces salopes? N'y en a-t-il point dans mon royaume? Ah, tout de même, ça manque. Et pas à dire, ça manque. Ça me connaît bien une petite salope de temps en temps, ah ouais. Les anges se cachèrent derrière les nuages, expérimentèrent la baise sauvage. Ils furent chassés à nouveau, et malins ils se rendirent au château. Les deux anges dans la salle du trône proposèrent alors au roi de se joindre à leur binôme et de faire une partie à trois. Le roi accepta et il fut heureux. Oh oui, il fut heureux. Et les anges purent enfin rejoindre les cieux. Oh.